Chapitre 6e. En apercevant Geneviève qui poussait la porte de son bureau, Victor Hibert eut, avec plus d'effusion, la même joie dans le regard qu'Olivier Giraud lorsqu'il avait vu André. Le négociant posa sa plume et se leva, tendant la main à sa femme. « Eh bien, Geneviève, vous êtes-vous amusée ?»« Beaucoup. » »« Guillemard a été gentil, charmant. » »« Et ce diable de Louis ?»« Il a été très gai, » dit Geneviève, regardant instinctivement autour d'elle, et soudain attristée par la banalité de cet intérieur de bureau, ses murs tendus de papier vert, ses cartes de l'Amérique et de l'Espagne accrochées des deux côtés d'un coffre-fort de fer, ses affiches annonçant les départs de paquebots, avec leurs mauvaises imageries représentant quelques steamers dessinés que par une main d'enfant, ses presse-papiers de cristal posés sur des factures bleues, ses encriers de verre, ce pèse-lettre, ses canifs et ses morceaux de gomme à côté du buvard sur ce bureau où Victor usait ses coudes et restait pliant d'eux pendant des journées sous une lumière blafarde et le soir sous le bec de gaz à abat-jour de verre opaque. C'était l'office ordinaire de tous les négociants, propre, avec les chaises d'acajou à sièges de cuir vert, la cheminée, dont la pendule de marbre noir en forme de borne marquait prosaïquement l'heure du courrier, et le foyer de fonte où, pendant l'hiver, brûlait du coq, comme dans les grilles des comptoirs anglais. Mais jamais, jamais ce rez-de-chaussée où Victor passait et dépensait sa vie, et où Geneviève n'entrait que rarement, navrait aussitôt, n'avait paru si étouffant à la jeune femme. Les fenêtres, en verre dépoli de l'office, donnaient sur une courcelle, sorte de tranchée commune à deux maisons voisines, et des réflecteurs envoyaient sur les paupières de Ribert lorsqu'il travaillait, leur éclat d'acier trop brutal. « Vous n'avez pas d'air ici, pas de lumière ?» dit Geneviève. « J'y étoufferai, moi. »« Aussi ne vous demandais-je pas d'y venir, cher ami, » fit Victor en riant. « Quoique j'aie grand plaisir à vous y voir. » Il l'avait fait asseoir devant lui, lui prenait les mains et la regardait avec une expression de bonté profonde, cette avidité d'absolu dévouement qui est comme de l'instinct sublimé. « Je vous trouve l'air fatigué, » dit-elle. Le négociant se regarda dans la glace qui surmontait la cheminée et essaya de sourire encore. « Tu vas dire que je suis coquet, mais je me trouve très bien. » La glace lui renvoyait pourtant dans cette lumière métallique des réflecteurs l'image d'un homme amaigri, le visage soucieux, élégant, entouré d'une fine barbe blonde, entière, grisonnante par touffes aux deux côtés du menton, et tombant d'aplomb sur son crâne, la lueur venue d'en haut en faisait reluire la courbe chauve. Cet homme de 47 ans eût pu sembler encore jeune si les plis des joues n'eussent pas marqué la leur de sillon, l'os frontal apparaissant presque au-dessus des tempes, mobile, d'un bleu clair, un peu hagarde, dans une sorte de pénombre, deux trous d'où sortaient de vives flammes et sous les yeux, des paupières gonflées qui faisaient dire à Guillemard, histoire d'être drôle, « Il a tant bûché, Victor, qu'il s'est fait des poches sous les yeux sans emplir les siennes. » Victor Hibert se regardait. Il lui semblait que ses vêtements s'élargissaient sur son torse amaigri. Trop de labeur, sans doute. Mais non, ce n'est pas le travail qui tue. L'inquiétude, oui. Au contraire, le travail éprône et fait vivre. Je n'ai jamais été mieux portant, dit-il. Un peu de fièvre, voilà tout, c'est le printemps. » Il revint s'asseoir près de Geneviève, qui, dans la glace, avait contemplé aussi, avec une sorte d'angoisse, cette apparition rapide et pâle. « Ce n'est pas un méchant homme, Guillemard, dit-elle. Tout à l'heure, il s'inquiétait de vous. Émile, il avait donc du temps à perdre. Je vous assure que vous le croyez plus égoïste qu'il n'est. Il voudrait vous voir sortir davantage, moins vous enfermer dans ce bureau. » « Il est bon, là, le cousin, » fit Ribert, dont le rire honnête avait une mélancolie voilée. « Qu'il me donne le quart de ses millions, je m'engage à me montrer partout et dépenser plus intelligemment mon argent que lui. Non pas que je l'envie, Dieu, non, mais quand on se débat comme je le fais, on n'a pas trop de toutes les heures de sa vie pour se tirer d'affaires. » On se débat. Geneviève n'avait réellement entendu que ces mots-là dans ce que venait de dire là son mari. Il y avait une telle douleur dans l'accent de cet homme que Madame Ribert en fut effarée. Elle eut encore ce frisson tragique qui la secouait tout à l'heure dans le landau. Les reflets lumineux du dehors prenaient subitement des crudités de neige. La neige d'hiver, le linceul de la ruine. La maison Ribert était-elle donc si près du gouffre? On se débat. « Voyons, » dit Geneviève, « est-ce que vous êtes plus inquiet que ces temps derniers? Vous pouvez tout me dire, allez, je suis courageuse, et décidément, il faut que j'aie l'habitude de ces tristesses. Tandis que tu t'es faite pour être heureuse, si heureuse, ma chère Geneviève. » Il avait deviné, senti instinctivement, le pauvre homme, une amertume, un reproche peut-être, dans ce ressouvenir du passé dur, cette allusion à l'écroulement de Roblin, Gerbert et compagnie. Il valait donc mieux ne rien dire, garder pour lui ses angoisses. C'était son habitude. Pourquoi inquiéter Geneviève? D'autant plus qu'il avait un projet en tête qui pouvait tout sauver, tout. Un projet à lui, le plus simple du monde, et d'où le sort même de la maison dépendait. Maison gênée depuis longtemps, façade solide, intérieur lugubre. Le cousin Émile avait raison. Les chemins de fer, les steamers et les télégraphes tuaient la commission chaque jour. Le commissionnaire, c'était le câble transatlantique qui donnait des ordres d'un monde à l'autre. Les clients venaient tout droit d'Espagne. Les Américains accouraient plus vite encore. Il y avait au bout de l'an, chez Ribert, des inventaires déplorables. Puis des faillites là-bas, des pertes énormes au Chili. La guerre donnait à bien des gens l'occasion de ne point payer. Ribert était effaré. Alors, les années d'épreuve amenaient des réformes indispensables, et d'économie en réforme, on en arrivait à une sorte de misère relative, à une ruine cachée, à cette chose effroyable qu'on dissimule sous des sourires, qui est l'hypocrisie de la pauvreté qui s'appelle la gêne. Au lieu de 6 commis, sous les ordres d'Olivier, on en avait 2, qu'on parlait de congédiés. Pour tout domestique, une femme de chambre et la cuisinière. On avait renvoyé de Ville d'Avray le jardinier de la maison d'été, et un loueur gardait les clés du logis, tandis qu'à la journée, un horticulteur du parc faisait dans le jardin le travail indispensable. Cette chère maison de Ville d'Avray, là-bas, tout près des bois, blanche avec son toit rouge, qui avait abrité tant de gais étés autrefois, Ribert avait parlé une fois tout bas, de la vendre peut-être, et un soir, dans les causeries qui sentaient la déchéance, Victor avait dit en hochant la tête « Qui sait, il faudra bien finir par se priver d'Olivier. Je n'ai pas le droit de lui prendre sa jeunesse et de lui faire user sa vie à pousser un char embourbé. » André était là quand son père avait prononcé le nom d'Olivier. Elle était alors devenue toute pâle, mais elle n'avait rien dit, se taisant comme se taisait Ribert, à qui souvent Geneviève répétait étonnée « Et vous ne vous plaignez pas? Vous ne vous plaignez jamais ?»« Non, » répondait-il simplement. « J'ai la conscience d'avoir toujours bravement employé ma vie avec ceux que j'occupais, d'avoir été juste. Je suis certain d'avoir fait tout le possible pour gagner une dot à ma fille et pour t'assurer à toi la vie qu'il te faut. Bah, je suis payé. Vous me rendez si bien justice, mes chéris. Je sens autour de moi tant d'affection et de dévouement. » Il attirait à lui sa femme et André, et il sentait la jeune fille lui prendre la main et la baiser doucement, tandis que Geneviève le regardait avec un respect triste. « Oui, disait le pauvre homme, vous m'aimez tant que je ne peux me plaindre. C'est vous qu'il faut plaindre mes adorations, mais moi, non, je ne suis pas assez malheureux. Comment le serions-nous alors ? Disait André qui essayait de sourire. Et Geneviève hochait la tête, parlant de la jeune fille, s'oubliant elle-même peut-être et disant lentement « Mais André a 18 ans. » C'est alors qu'André sourit. « Eh bien, » faisait-elle en regardant la jeune femme, « ne dirait-on pas que c'est un crime, 18 ans ?» Et ses beaux yeux honnêtes fixés sur les yeux de sa belle-mère. « J'ai 18 ans. De quoi me plains-tu? De ne pas être mariée à cet âge-là, comme toi? Mais toi, tu as rencontré un Victor Ribert et tu t'es hâté de le prendre. Ah, tu as bien fait, va, » disait-elle, en embrassant au front son père. « Si tu ne l'avais pas confisqué, on te l'aurait pris. » Quand il l'entendait chanter cette gaieté plus affectée que réelle, quand il se sentait bercé ainsi par ses affections qui essayaient de lui faire prendre leur amour pour de la quiétude, Ribert oubliait alors un peu les échéances, les réalités et les carcans de la vie, l'avenir surtout, noir de terreur. Et sa fille et sa femme n'étaient pas seules à l'aimer. Pour rien au monde, Olivier Giraud ne l'eût quitté. Il était là comme l'enfant de la maison. Il était la confiance vivante, et prenant de sa jeunesse et de sa foi cet homme souvent là de lutter, qui, sans lui, plus d'une fois, se fut heurté au désespoir. « Ah, bah, monsieur Ribert, nous en sortirons, » disait-il, égayant lui aussi sa voix mâle, son visage de soldat s'éclairant de la joie du devoir. « Vous croyez, Olivier ? Monsieur Ribert, j'en suis sûr. » Et l'on se débattait alors, comme disait Ribert, et on reprenait confiance, la moindre parole, le moindre espoir rendant l'énergie à ce galérien dont le ponton craquait sous le vent d'orage.